Donc, on est présentement avec Mathieu Landry, postdoctorant à l'École normale supérieure de Paris, au laboratoire de sciences cognitives et de sciences psycholinguistiques, présentement à l'UDM. Salut Mathieu. Salut, Gabriel. Je t'ai invité aujourd'hui pour parler d'hypnose, puis l'hypnose au niveau des circuits du cerveau. L'hypnose, c'est quelque chose qui est comme de manière médiatique, c'est toujours représenté d'une manière un peu comme t'es spirituelle, c'est toujours un peu des gens comme un peu étranges qui font ça, puis juste aussi comme quand on regarde des émissions de télé, c'est comme on enlève notre ceinture puis on a un serpent dans nos mains, tu sais. Puis moi, je suis toujours un petit peu sceptique quand on parle d'hypnose, mais ça a l'air que c'est quelque chose, un phénomène réel. Est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi l'hypnose? Ben, il y a deux volets à la question que tu viens de poser. Puis même, je dirais qu'il y en a trois, mais disons qu'on va le séparer en deux. Donc, le premier, c'est il y a un folklore. Il y a toute une mythologie qui accompagne les phénomènes hypnotiques. Puis ça remonte plusieurs centaines d'années. Et puis, même les grands chercheurs dans le monde médical, en France, on peut parler, de gens qui ont vraiment fait avancer l'hypnose au point de vue médical. Je pense entre autres à Mesmer, non pas le magicien, mais Anton Mesmer. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, il y a tout le temps eu ce folklore-là, cette mythologie-là qui a entouré l'hypnose, entre autres parce qu'il existe effectivement un volet de l'hypnose qui relève du spectacle, du domaine du spectacle. Donc, on connaît le Mesmer québécois, qui fait ses spectacles, qui est passé à la télé, et puis il n'est pas le seul. Donc, beaucoup de gens qui gagnent leur vie dans le divertissement, puis qui vont utiliser l'hypnose comme un outil, en fait, pour gagner leur vie, puis pour faire certaines choses, faire vivre des expériences, etc. Donc, il y a tout le côté mythique. Après, dans le folklore, il y a aussi des couches de mythologie au sens où les gens vont avoir toutes sortes de conceptions ou préconceptions par rapport à ce que c'est l'hypnose. Ça va être véhiculé beaucoup par la culture cinématographique, la culture littéraire. Il y a des films où, par exemple, par l'intermédiaire de l'hypnose, une personne peut prendre le contrôle de l'esprit d'autrui. Hein? Donc, on voit ça dans beaucoup de films. Il y a un film, par exemple, le Manchurian Candidate, qui est un film connu dans la culture hollywoodienne, ben, en fait, repose sur cette utilisation-là. Puis, en plus, pour en rajouter une couche, le personnage principal vit de l'amnésie. Donc, il ne se souvient pas qu'on l'a mis sous hypnose. Puis, en plus, on a programmé chez lui des commandes pour faire en sorte qu'il va assassiner des gens importants aux États-Unis. Je pense que c'est le président, je me souviens pas, mais ça se peut que je me trompe. Donc, il y a toute une couche culturelle des mythes, en fond, qui habite notre culture populaire. De l'autre côté, il y a la question scientifique de savoir, OK, on a des phénomènes où les gens répondent à des suggestions. Ils sont capables de produire certaines choses au niveau de leur esprit. Donc, l'hypnose est d'abord subjective. Les changements qui surviennent dans l'hypnose surviennent d'abord dans la conscience de la personne qui vit l'hypnose. Donc, par exemple, pour mettre ça plus concret, une personne qui vit de la douleur. Donc, avec l'hypnose, je peux utiliser des suggestions d'analgésie, faire en sorte que l'expérience douloureuse de cette personne-là va être modifiée au point où elle ne vivra plus sa douleur, ou en tout cas, elle va le vivre à un moindre degré. Donc, il y a ce phénomène-là que plusieurs chercheurs étudient dans le monde. Donc, il y a toutes sortes de groupes de recherche qui sont bâtis autour de la question d'essayer de mieux comprendre les mécanismes de l'hypnose. Comment ça se fait que des gens peuvent produire ce type de réponse-là, qui est surtout utilisé dans un contexte de thérapie. Donc, ça peut être une thérapie médicale, ça peut être une psychothérapie. Donc, l'hypnose, d'abord et avant tout, puis là, je suis extrêmement biaisé, donc j'ai un point de vue assez spécifique, mais l'hypnose est un outil. Donc, ce n'est pas une thérapie en soi. Il y a des thérapeutes qui sont en désaccord avec moi, qui vont dire que c'est une thérapie, mais la plupart des spécialistes vont vous dire, d'abord, je suis un spécialiste dans un domaine. Ensuite, dans ma boîte à outils, j'ai un outil qui s'appelle l'hypnose avec lequel je peux essayer d'atteindre des objectifs thérapeutiques. Donc, on pourra revenir à ces débats-là, là, à savoir si l'hypnothérapie existe ou pas. Dans ce contexte-là, à savoir qu'est-ce qu'est l'hypnose, ben, il n'y a pas de consensus. Ça fait au moins une trentaine d'années qu'il y a des gros débats à savoir exactement quel est le construit, donc quel est l'objet qu'on étudie lorsqu'on parle d'hypnose. Il y a deux grandes classes de questions qui émergent. D'une part, pour certains chercheurs, l'hypnose est d'abord une forme altérée de la conscience. Donc, c'est-à-dire que par l'intermédiaire d'une procédure où je vais induire une transe hypnotique, puis là, il faut mettre un astérix parce qu'il n'est pas clair ce qu'est la transe hypnotique encore, mais certainement, il y a des gens qui rapportent un vécu subjectif qui est très différent de leur vie normale. Donc, on pourrait appeler ça la transe hypnotique. Donc, par l'intermédiaire de la transe hypnotique, je vais être en mesure d'amener l'individu à produire, comme je disais, des réponses hypnotiques qui sont en lien avec la suggestion que je vais lui donner. Donc, si on revient encore à mon patient qui, disons, un brûlé au troisième degré, cette personne-là souffre énormément, elle vit de la douleur. Donc, je vais amener le patient dans la transe hypnotique, je vais lui donner une suggestion d'analgésie, puis cette personne-là va immédiatement se sentir mieux, va immédiatement sentir que sa douleur est moins élevée. Donc, il y a cet objet-là qui est la transe. Pour certains chercheurs, elle est au centre de l'hypnose. Donc, l'hypnose est d'abord une forme altérée de conscience. Ensuite, il y a d'autres chercheurs qui vont dire, ben, l'hypnose, non, en fait, c'est un phénomène qui relève de la cognition, donc de nos capacités cognitives, qui relève de nos capacités sociales, et puis qui fait en sorte qu'il y a une concordance de facteurs socio-cognitifs, donc cognitifs, encore une fois, dans la façon dont je traite l'information, sociale, dans le fait que je suis en interaction avec des individus, qui font en sorte que je peux amener un individu à vivre certaines expériences. Puis là, je sais que c'est très technique, mais une façon de comprendre peut-être le modèle socio-cognitif de l'hypnose, ça serait de penser, par exemple, aux effets placebo. Hein? Donc, les effets placebo, c'est un phénomène bien documenté qui fait en sorte que, par moi-même, je peux vivre certains bénéfices thérapeutiques sans nécessairement qu'on me donne la thérapie comme telle. Donc, un placebo. On va me donner un placebo. Ce phénomène-là repose sur des construits sociaux. Par exemple, le fait que j'entre en interaction avec un médecin. Par exemple, le fait que j'ai toutes sortes de représentations symboliques de ce qu'est la médecine dans ma culture. Du fait que je m'attends à un bienfait d'entrer en interaction avec mon médecin. Du fait que mon médecin porte un sarrau, puis c'est une sommité dans le monde des brûlures de troisième degré. Donc, il y a toutes sortes de phénomènes sociaux comme ça qui vont interagir avec moi puis qui vont faire en sorte que je vais me sentir mieux simplement par le bienfait de ma psyché, donc ma psychologie qui va mettre en place des mécanismes de régulation de la douleur qui sont à l'extérieur du cadre de l'hypnose. Donc, le placebo, pour certains chercheurs, même l'hypnose représente une forme de placebo. Puis là, on peut voir pourquoi, parce que on pourrait dire qu'il y a des mécanismes similaires. Donc, on pourrait dire, par exemple, dans le placebo, que les suggestions sont implicites. Donc, si je vais à l'hôpital implicitement, mon attente, c'est que je vais aller mieux, hein? Alors que dans l'hypnose, généralement, les suggestions sont explicites. Donc, je vais donner une suggestion pour que la personne aille mieux. Par exemple, si on revient à notre patient, je vais lui demander d'imaginer un gant ou je vais lui demander d'imaginer peut-être dans je ne suis pas clinicien, donc je suis loin d'être un spécialiste des approches cliniques, mais on peut imaginer qu'on demande à la personne de recouvrir sa brûlure d'un onguent spécial, de s'imaginer en train de recouvrir un onguent spécial qui a un effet analgésique super puissant. Donc, on va lui demander d'imaginer ça, puis la douleur va s'estomper. Donc, pour faire un petit résumé, donc c'est vraiment cette idée-là qu'on retrouve. Il n'y a pas de consensus, mais on retrouve ces deux idées-là. Donc, vraiment cette idée de transe hypnotique qui fait pas consensus, et puis cette idée de réponse aux suggestions. Fait que l'hypnose, essentiellement, c'est un phénomène qui est observé. Puis là, il y a une couple de thèses qui sont comme concurrentes. Fait qu'on essaie de comme un peu savoir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pour que ça produise comme l'effet de comme ce phénomène-là. Comment est-ce que c'est étudié? Donc, ça, c'est une super bonne question. Évidemment, c'est très difficile à étudier. Parce que Puis encore une fois, là, il faut vraiment mettre parfois certains bémols à ce que je veux dire. Moi, j'ai un point de vue scientifique, donc j'étudie l'hypnose depuis plusieurs années. Je l'étudie du point de vue des neurosciences. C'est sûr que j'ai des biais dans la façon dont je le perçois. Le manque de consensus fait en sorte que moi aussi, je vais avoir une préconception de théorique de ce que. Donc, ça se peut qu'aujourd'hui, je dise des choses et puis que les auditeurs lisent d'autres choses ou entendent d'autres choses. C'est très correct, là. Simplement pour dire que ce que je veux dire aujourd'hui porte à débat. Donc, il n'y a pas de. Je ne vais pas dire des choses qui sont arrêtées, point final, on a fini la discussion, puis on passe à un autre volet. C'est vraiment des choses qui sont en cours aujourd'hui. Mais comment c'est étudié? Ben, l'hypnose, si on revient un peu à la façon dont je l'ai décrite, on peut imaginer qu'il y a plusieurs facteurs, hein, qui vont venir jouer un rôle dans l'hypnose. Donc, moi, quand je fais des fois, je participe à des formations pour cliniciens un peu pour les aider à leur enseigner les théories actuelles ou les points de vue, les dernières découvertes empiriques, simplement pour être sûr qu'il y a une bonne mise à jour scientifique qui est faite dans les formations d'hypnose dans le domaine clinique. Ce que je dis aux cliniciens, c'est pour moi, l'hypnose, c'est un peu comme faire de la pâtisserie. C'est-à-dire que la pâtisserie, là, ça demande vraiment un équilibre en différents ingrédients très précis, un équilibre très, très précis, où pour obtenir le résultat final, on doit vraiment mettre ces choses-là ensemble, hein, et puis à la fin, on obtient notre gâteau ou ce qu'on cherchait à avoir. Si vous êtes moi, d'habitude, vous n'obtenez pas ce que vous cherchez à avoir. Donc, mais là, beaucoup de gens, semblerait, sont capables de faire de la pâtisserie. Moi, j'en suis vraiment incapable. Mais l'idée étant ici que on a plein de facteurs comme ça qui vont venir jouer un rôle. Donc, quand on étudie l'hypnose, évidemment, on ne peut pas tout étudier ces facteurs-là. C'est impossible. Donc, il faut vraiment prendre des décisions sur, OK, aujourd'hui, mon étude porte sur telle composante, telle composante, telle composante. Et puis ça fait en sorte que, puis je vais décrire les plus grandes, là, simplement pour qu'on puisse orienter la discussion, mais c'est sûr que ça fait en sorte que, puis encore une fois, je suis très biaisé, donc, mais je ne crois pas que, il existe un papier ou une étude qui démontre, puis là, je sais que tu veux parler de ça, qui démontre le fameux corrélat neuronal de l'hypnose. Je ne crois pas qu'il existe un circuit particulier qui est propre à l'hypnose. Je ne crois pas qu'il existe une réponse cérébrale, une dynamique cérébrale qui est propre à l'hypnose. Puis là, ça, c'est un point important parce que il y a plusieurs années, il y a un super beau papier qui est sorti dans une grosse revue de neuroimagerie et puis par un chercheur qui est très réputé en hypnose, donc David Spigot. Et puis une journaliste française m'avait demandé si j'accepterais de donner des commentaires un peu parce que c'était une belle étude. Et puis vraiment la discussion tournait autour de ben, est-ce qu'on a finalement trouvé le fameux corrélat cérébral de l'hypnose? Puis là, je me suis vraiment enfargé parce que aujourd'hui, j'ai l'opportunité de parler beaucoup plus. Donc, tu peux voir aussi que j'ai beaucoup de facilité à prendre le temps de parole. Mais évidemment, là, c'était la question de la clip. Donc, il fallait vraiment que je fasse une clip. Puis c'était très difficile pour moi de dire, ben non, tu sais, il n'y a pas de centre cérébral. Donc, le point étant ici que c'est pas parce qu'il y a un papier qui sort, c'est pas parce que Science et Vie rapporte qu'on a finalement trouvé la signature ou etc. de l'hypnose, que le débat est fini sur la mécanique. Parce que, puis encore une fois, je suis biaisé, mais parce que il y a plusieurs facteurs qui vont venir influencer le produit final, l'émergence des phénomènes hypnotiques. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il y en a qui sont plus importants que d'autres, c'est sûr. Le premier facteur qu'on va étudier dans le laboratoire, c'est la variabilité interindividuelle. C'est pas tout le monde qui répond de façon similaire à l'hypnose. Si demain Mesmer fait un spectacle et puis qu'il n'y a plus de COVID, qu'on arrive à remplir le Centre Bell, une stratégie qui est très utile dans l'hypnose spectacle, c'est de faire une présélection des candidats qui répondent le mieux aux suggestions, parce que ça fait un meilleur spectacle. Donc, toute personne, tout auditeur qui est allé, qui a vu un spectacle ou bien en ligne ou etc., a certainement vu un peu ce filtre-là, ce profilage un peu, là, tu sais, où on cherche à déterminer, OK, qui sont vraiment les personnes qui sont très sensibles à l'hypnose? Donc, on répond pas tous de façon équivalente. Donc, un des premiers domaines de recherche, c'est pourquoi? Donc, dans la recherche scientifique de l'hypnose, il y a des échelles qui ont été construites, qui sont standardisées, qui visent à mesurer la sensibilité hypnotique. Ces échelles-là ont des grandes qualités pour la recherche scientifique, mais de façon assez intéressante, on comprend mal encore ce qu'est le construit de l'hypnotisabilité, qui est un mot au Scrabble qui donne beaucoup de points, je pense, ou de la sensibilité à la suggestion hypnotique. Donc, autrement dit, autant on observe que les gens répondent pas de la même façon, que, y a des gens qui sont très sensibles, d'autres qui semblent être moins, autant on a des pistes de solutions ou en tout cas des hypothèses qui sont valides ou qui valent la peine d'explorer. Mais cela étant dit, on ne sait pas exactement c'est quoi le construit qu'on recherche. Donc, quand on parle d'hypnotisabilité, donc la sensibilité à l'hypnose, qui est différente de la sensibilité aux suggestions hypnotiques, en plus, donc simplement pour ajouter une couche, mais on n'est pas certain. Donc, dans ce contexte-là, en plus, faut garder en tête que les fameuses échelles où, quand on va assister à un spectacle, ou quand on fait de la recherche de masse, moi, je suis soumis des standards, je suis soumis à une certaine rigidité, étant donné la méthode scientifique. Et puis, évidemment, ici, l'objectif de mes travaux, c'est de m'assurer que les résultats objectifs peuvent être reproduits en Australie. Donc, si Marie-Jeanne veut reproduire mes travaux, tu sais, dans son laboratoire en Chine, par exemple, ben, je dois m'assurer d'avoir un standard qui est reproductible, donc qui est un cadre scientifique qui est assez, qui malheureusement est rigide. Donc, ça devient très difficile pour les chercheurs de trouver des degrés de liberté ou des façons de réduire ce cadre-là. Le clinicien, évidemment, n'est pas soumis à ce cadre rigide-là. Lui, son objectif n'est pas de produire de la connaissance scientifique, son objectif est d'aider son patient. Donc, évidemment, lui, contrairement à moi, si une stratégie fonctionne pas, ben lui va être en mesure de chercher d'autres stratégies qui peuvent amener son patient à mieux répondre à l'hypnose. Donc là, ici, je sais que j'ai l'air de sauter du coq à l'âne un petit peu, mais le point qui est important de voir, c'est que cette variabilité-là qu'on retrouve dans la population, nous, on la voit dans le laboratoire. On la voit quand on va en hypnose spectacle. Mais il n'est pas nécessaire qu'on la retrouve dans le cabinet du clinicien. Parce que c'est sûr que lui aussi, les gens vont répondre différemment aux stratégies thérapeutiques. C'est clair, on est tous des individus différents. On a tous un historique, un bagage. Les motivations qui font en sorte qu'on consulte sont toutes différentes. Néanmoins, le fait que moi, dans le laboratoire, j'ai un cadre extrêmement rigide, fait en sorte que je ne peux pas nécessairement bien adapter mon protocole expérimental pour essayer de maximiser l'effet hypnotique. Je pourrais, il y en a qui essaient de le faire, mais à ce moment-là, ça devient très difficile de reproduire les résultats ailleurs. Là. Si je dis à Pierre Jean-Jacques, ben, j'ai fait une expérience scientifique, puis à chaque fois, j'ai adapté la suggestion de la façon dont je trouvais le mieux pour que le participant répond, mais il va me dire, ouais, mais je peux pas faire, je sais pas moi qu'est-ce que tu as fait là, tu sais, je comprends pas exactement qu'est-ce que tu as fait, puis ça devient difficile de reproduire tes résultats à ce moment-là, Mathieu là. Donc le point ici vraiment important à retenir pour la variabilité interindividuelle, c'est que on l'observe dans le laboratoire, c'est un facteur critique, mais il se généralise très mal au domaine clinique. Donc, c'est difficile de faire un pont entre ce qui se fait dans le laboratoire et dans le domaine clinique, certainement sur ce point-là. Donc, ça, c'est le premier facteur. Deuxième facteur, puis il y en a trois. Donc, je vais essayer de passer les autres un petit peu plus rapidement, mais le deuxième, c'est l'idée d'induction hypnotique. Donc, le processus de transe hypnotique. Donc, les fameuses expériences altéré de conscience. Donc, on cherche à étudier, dans le fond, qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne va vivre une expérience altérée de conscience. Donc, ici, on parle d'expérience altérée de la temporalité. Par exemple, les gens, souvent sous hypnose, vont avoir une expérience du temps qui est très différente de la vie normale de tous les jours. Donc, le cas classique, là, c'est aujourd'hui, l'hypnose, surtout en Europe, est utilisée dans plusieurs chirurgies mineures, parfois même dans des chirurgies majeures. Il y a des travaux là-dessus, mais et puis quand on ramène ou quand la personne, suite à son opération, là, sort un peu de la transe, on lui demande, ça fait combien de temps? Donc, disons que ça fait 2 heures, l'opération a duré 2 heures. La personne va être surprise parce que pour elle, elle va avoir eu l'impression que ça a pris 20 minutes, 15 minutes. Donc, cette distorsion-là du temps, ça semble un thème récurrent, en tout cas chez au moins certains individus. Il y a des phénomènes d'absorption aussi qui sont extrêmement présents. Donc, c'est-à-dire que on demande à la personne de se concentrer sur un aspect de son expérience. Puis là, il y a toutes sortes de techniques, mais tu sais, ça peut être quelque chose comme on lui demande de se remémorer des vacances plaisantes. Donc là, la personne est absorbée dans cette image-là, dans ce qu'elle a vécu, puis des belles vacances avec sa famille. Puis là, elle se détache complètement de son environnement immédiat. Donc vraiment, cette capacité-là, là, puis il y a des gens là, qui ont une facilité à être absorbés dans leur expérience. Tu sais. Moi, j'aime bien aller travailler dans les cafés là, à Montréal. C'est pour les gens qui travaillent dans les cafés, je pense. Sûrement que vous avez déjà vu ça. La personne, pas d'écouteur, capable de travailler son ordinateur. Donc, avec tout ce qui se passe aux alentours, focusé sur son travail, capacité à faire abstraction complètement de l'environnement. Donc, tout ce qui se passe, les discussions, donc vraiment une capacité attentionnelle là, tu sais, à être focusé. Puis, ça s'accompagne vraiment d'un vécu subjectif particulier que la plupart des gens, je pense, ont expérimenté quand ils ont, par exemple, lu un livre ou un bon livre, tu sais, ou vu un film, tu sais, dans lequel on est complètement absorbé, là, on est comme, wow, tu sais, on a l'impression de ne plus être un individu, mais on est presque partie prenante, là, du film. Ouais, c'est des états comme psychologiques particuliers, puis je me rappelais plus du terme exact, mais tu sais, c'est souvent décrit en anglais comme être in the zone. Ouais, flow state, exactement. Flow C'est state. exactement ça. Les fameux flow state où je fais la courbe en U parce que on essaye souvent, quand on a des performances à faire, de maximiser notre performance. Puis il y a comme un niveau attentionnel qui est comme maximal où là on est complètement in the zone, comme tu as dit, on est complètement absorbé par ce qu'on fait. Puis là, il n'y a rien d'autre qui compte. Il y a vraiment là, tu sais, au point où même c'est très difficile à décrire comme expérience, mais je pense que la plupart des gens ont fait cette expérience-là. Là. Mais il y a comme cette désintégration de l'ego. Là, tu sais, je veux dire, j'ai plus l'impression d'être un sujet en train de regarder un objet, mais je fais quasiment partie de l'objet. Là, tu sais. Donc, effectivement, il y a toutes sortes de travaux de recherche sur cet aspect-là. Il y a des aspects, puis tu voulais parler de conscience, qui relèvent davantage de la dissociation. Les gens font l'expérience, si je leur donne une suggestion, certaines personnes, c'est pas tous, hein, certaines personnes vont avoir l'impression de répondre à ma suggestion en dépit de leur volonté. Donc là, c'est une caractéristique hyper intéressante où les gens ont l'impression que la réponse à la suggestion se fait automatiquement, involontairement. Donc, puis là, tu peux voir comment ça nourrit toute une culture, tu sais, sur le fait de contrôler l'esprit d'autrui. Évidemment, il est démontré qu'on ne peut pas avoir le contrôle de l'esprit d'autrui, donc je vais tout de suite défaire ce mythe-là, là. C'est impossible pour moi, même via hypnose ou pour toute autre façon, de contrôler l'esprit d'autrui. C'est impossible, c'est bien démontré. Je ne peux pas vous faire changer vos critères moraux. Si vous avez des principes moraux, il est possible que, de la même façon, quand on prend par exemple, de l'alcool, certaines personnes, tu sais, deviennent désinhibées. Donc, il est possible qu'un phénomène similaire survienne dans l'hypnose. Ça, je pense que la suggestion peut être cet effet-là, mais je ne peux pas, par exemple, c'est ça, vous faire faire des choses que vous n'auriez pas faites autrement. Mais néanmoins, il y a des gens qui font cette expérience-là sous hypnose où ça se passe automatiquement. Je leur donne la suggestion, puis je leur dis, maintenant, je veux que tu tiens ton bras devant moi, puis ton bras est comme une barre de fer, puis là, tu n'es plus capable de le plier. Donc, tu n'es plus capable de plier ton bras. Donc là, la personne a l'impression de, elle a commencé, je suis plus capable de plier mon bras. Comme si, indépendamment de sa volonté, il y avait cette réponse hypnotique-là qui survenait. Donc, ça, c'est un aspect vraiment qui est intéressant au niveau de la conscience. Puis le troisième facteur, donc j'en ai dit deux, donc j'ai dit la variabilité interindividuelle, j'ai dit la transe hypnotique, donc l'expérience subjective. Le troisième, c'est les fameuses suggestions. Donc, les suggestions, souvent, donc il y a toutes sortes de suggestions, là, je ne veux pas les réduire, mais une qui m'intéresse, moi, d'autres chercheurs ont certainement d'autres intérêts, moi, c'est le fait que les suggestions, souvent, ont un contenu visuel très riche, ou en tout cas, ont certainement un contenu imaginaire très, très riche. Donc, il est courant en hypnose de demander à la personne d'imaginer quelque chose. Puis ça a un effet très puissant. Puis j'ai peut-être deux petites expériences, là, si on a du temps, là, que je peux partager avec les auditeurs, qui je pense est vraiment intéressante, qui se sont passées dans le milieu clinique. C'est des médecins qui m'ont partagé ça. Donc, une médecin, entre autres, qui travaille en soins palliatifs, donc en soins de fin de vie, elle avait une patiente assez âgée, une dame cancer, stade 4, et vraiment là. Et puis, elle, ce qu'elle rêvait de faire, c'est retourner dans sa décapotable, puis conduire en Estrie, là, les routes d'Estrie, là, les petites routes, et puis c'est ce qu'elle aimait faire, elle, c'est. Puis là, malheureusement, sa condition médicale faisait en sorte que c'était beaucoup trop risqué, puis c'était impossible, là, t'sais. Fait que cette médecin-là, elle a décidé d'utiliser l'hypnose. Elle a dit, ben, on va utiliser le pouvoir imaginaire de l'hypnose. On va amener la patiente à vivre cette expérience-là. Puis là, évidemment, pour la dame qui a vécu cette expérience-là, donc la dame pouvait vivre, être au volant de sa décapotable, sentir ses cheveux dans le vent. Donc là, on va utiliser tout le pouvoir de la suggestion. Puis je fais ce geste-là parce que souvent, dans les cas de douleur, on utilise l'exemple du gant, mais tout ça pour dire, on va utiliser un contenu, on va essayer de mettre du contenu dans nos suggestions, pas trop évidemment parce que, puis là, un clinicien serait meilleur que moi pour le décrire, mais l'idée étant qu'on veut amener, faire en sorte que la suggestion, qui est souvent un contenu imaginaire, se transforme en réponse équivalente. Donc, ce que moi, je mets dans la suggestion, ben, le patient ou la personne va produire une réponse qui correspond au contenu que j'ai mis. Donc, si je te dis de sentir ou d'entendre une mouche, de sentir le vent dans tes cheveux ou d'entendre une mouche, ben, c'est l'expérience que je veux que tu vives. Donc, ce que ton cerveau va faire, ce que toi, tu vas faire, c'est que tu vas transformer ce contenu-là en réponse hypnotique. Donc, peut-être rapidement aussi, le deuxième exemple qui est très parlant, là, c'est un couple qui voulait avoir des enfants, puis sont tombés enceintes. Malheureusement, il fallait qu'ils se fassent avorter parce que le fœtus n'était pas viable. Et puis, évidemment, c'est un énorme deuil pour ce couple-là. Puis, une des stratégies qui a été employée par une thérapeute, c'est d'amener le couple à imaginer en train de parler avec leur enfant qui n'était pas né, puis de lui expliquer la situation. Puis encore une fois, on voit cette idée-là d'utiliser l'imaginaire, hein, d'utiliser le contenu pour essayer d'amener le cerveau à produire une réponse à l'hypnose. Donc, c'est les trois grands facteurs qui sont utilisés dans la littérature, surtout dans la littérature neuroscientifique. Après, là, j'ai pris des exemples vraiment extrêmes au niveau de la suggestion, mais généralement, on a des suggestions dans le laboratoire plus simples. Mais là, il y a comme un éléphant dans la pièce ici. Je n'avais pas comme nécessairement le planifié d'en parler, mais je pense qu'il faut le faire. C'est que l'hypnose est étudiée en particulier pour, en tout cas dans ton cas à toi, puis dans le cas de plusieurs comme chercheurs universitaires, dans des cas médicaux. Pour justement, tu l'as mentionné plusieurs fois précédemment dans l'entrevue, pour pallier la douleur. Puis on remarque que ça a des effets comme réels. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ça? C'est quoi comment ça se passe? Puis pourquoi est-ce que soudainement, genre, une fois qu'on est sous suggestion hypnotique, on ressent moins de douleur. En tout cas, pour certains d'entre nous, là, tu vas peut-être éclairer ça, pour nous. C'est une grosse question. Il n'y a pas de réponse directe, donc c'est pas clair. En tout cas, c'est certainement pas aussi clair que, par exemple, il y a des modèles sur le placebo qui, à mon avis, sont beaucoup plus élaborés que ce qu'on retrouve dans l'hypnose. Et puis ici, c'est peut-être, des fois, il y a des différences qui émergent entre le placebo et l'hypnose. Puis là, il pourrait y en avoir une. Il y a des gens, moi je dois dire d'emblée, je suis pas un spécialiste de la douleur, donc il y a certainement des gens mieux placés que moi pour parler directement des mécanismes, mais néanmoins, au niveau cérébral, ce qu'on constate, c'est que si je donne une suggestion qui vise à produire de la régulation, puis ce que je veux dire par là, c'est du contrôle. Donc, par exemple, contrôler la douleur, contrôler un processus, contrôler une expérience, exercer un plus gros contrôle. Hein? Parce qu'on peut faire la différence, par exemple, entre produire une expérience, donc je veux t'amener à produire, ou diminuer, inhiber une expérience. Donc là, la douleur, si on veut inhiber. Ce qu'on sait, puis ce qu'on observe dans le scanner pour regarder le cerveau, c'est que le contenu de la suggestion que je vais donner, donc par exemple au niveau de la suggestion d'analgésie pour contrôler la douleur, va avoir des conséquences sur les ondes cérébrales qui sont associées à la douleur. Donc, il y en a certainement plus là, mais il y a des travaux qui démontrent sous hypnose, par exemple, que deux régions qui sont fortement corrélées à l'expérience de douleur, donc une région qui s'appelle le somatosensoriel, une autre région qui s'appelle le cingulaire antérieur, donc le somatosensoriel se retrouve un peu passé la ligne médiane, et puis le cingulaire donc fait partie des régions interhémisphériques. Là, c'est sûr que les auditeurs peuvent pas nous voir, mais bref, il y a deux régions. Le singulaire, c'est comme, c'est dans le milieu, c'est comme entre les deux hémisphères, puis ça fait comme un Exact. travail de connexion entre les deux. C'est ça que j'ai Ça, compris. c'est les connexions interhémisphériques, mais le singulaire a pas nécessairement et pas les connexions axonales. Donc, toi, je pense que ce que tu décris, c'est plus le corps calleux, donc qui réunit les deux hémisphères, mais le singulaire est vraiment une région du cerveau, mais effectivement, c'est une région cachée entre les deux hémisphères, qui est, en tout cas pour les chercheurs comme nous, qui est difficile d'accès. Évidemment, on a plus facile d'accès les régions à la surface. Ça, c'est vraiment enfoui, caché entre les deux hémisphères. Mais néanmoins, le point étant ici que ces deux régions qui sont fortement, le Solliciter. mot activé est fort, là, sollicité, mais disons sollicité, c'est un bon mot, donc qui sont associées certainement à l'expérience de douleur. Et puis, ce qui est particulier, c'est que chacune des régions, puis ça, c'est des travaux qui ont eu lieu par un chercheur à l'Université de Montréal, pour pas le nommer Pierre Rainville. Pierre, ce qu'il a démontré, c'est le fait que chacune des régions est associée à une composante de la douleur. Donc, le somatosensoriel est davantage associé à l'intensité, hein, le degré de douleur que je vais vivre. Mais aussi, la douleur, il y a une dimension, puis ça, c'est intéressant, il y a une dimension affective qui est associée à la douleur, hein. Il y a une dimension de détresse émotionnelle que je vis lorsque je vis de la douleur. Puis la détresse est davantage associée au singulier antérieur. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut le départager. Donc, intensité somatosensorielle, et puis niveau plus émotif, davantage au singulier antérieur. Et puis le domaine affectif. Puis ce que je peux faire, c'est donner une suggestion qui vise à altérer l'une ou l'autre des dimensions. Donc, je peux donner une suggestion qui vise à altérer le niveau d'affectivité, donc le niveau de détresse affective qu'une personne va vivre. Puis là, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a des variations au niveau de la région du cingulaire antérieur, donc la région qui est associée au niveau de l'affectivité de la douleur. Mais la région qui est associée à l'intensité ne changera pas ou changera très peu. Et vice-versa. Donc, je peux donner une suggestion qui vise uniquement l'intensité, puis pas le domaine affectif, et puis changer l'activité dans le somatosensoriel. Donc, le point étant ici qu'on peut donner un contenu de suggestion très précis, et altérer des régions cérébrales qui sont directement associées à l'expérience. Puis on peut faire la même chose, ça encore une fois, ça a été très, très bien démontré, avec les aires visuelles. Donc, je peux altérer les régions associées au traitement de l'activité visuelle à l'aide de suggestions qui visent à altérer la vision. Donc, par exemple, ce qui a été fait, il y a plusieurs grandes études en neuroimagerie qui ont été faites avec demander à des gens de voir en gris, donc des schémas là, de couleurs, ou au contraire, mettre de la couleur sur des schémas gris. Donc, puis là, on a la correspondance. Donc, ce qui nous fait dire que, évidemment, on n'avait pas besoin de la neuroimagerie pour prouver que l'hypnose est réelle. Cette idée-là que la neuroimagerie est venue prouver que l'hypnose existe, c'est complètement faux, là. Je pense qu'on avait juste besoin de demander aux patients qui vivent. Néanmoins, ça vient valider certains modèles théoriques où on dit, OK, il y a une suggestion qui se donne, puis il y a vraiment des changements cérébraux qui correspondent là, avec la suggestion. Ce n'est pas juste un épiphénomène, ce n'est pas juste un phénomène en parallèle. Non, non, il y a vraiment des variations en lien avec l'expérience douloureuse qui correspondent à nos modèles actuels de douleur lorsqu'on étudie le cerveau, là. Donc, je pense que c'est ce qui est vraiment intéressant, là, t'sais. Oui, c'est ça, c'est que ça produit des réactions comme physiques réelles à l'intérieur, comme du cerveau. Je pense que c'est une bonne opportunité pour parler des corrélats neuronaux. Puis, ce qui est intéressant, moi, je trouve, avec la neuroimagerie puis la recherche comme dans le cerveau, c'est que, bon, moi, je dis ça en tant que quelqu'un qui connaît pas ça, mais j'ai l'impression souvent que on parle de corrélats neuronaux parce que on n'est pas exactement sûr qu'est-ce qui se passe pareil. C'est qu'on fait une expérience, on essaie on donne une sensation à quelqu'un, peu importe c'est quoi, puis on regarde, oh, c'est quelle partie du cerveau genre qui fonctionne pendant que la personne reçoit l'expérience, mais on n'est pas encore sûr genre de exactement comme pourquoi ça se passe puis qu'est-ce qui se passe. Mais on sait qu'il y a des affaires qui se passent. Puis ça, c'est les corrélats neuronaux, si je ne me trompe pas. En fait, la question le fameux corrélat neuronal, c'est deux choses qui varient ensemble. Donc, d'un côté, on est intéressé à un phénomène psychologique particulier. Donc, je ne sais pas moi, pour être sûr de rendre ça encore plus compliqué, là, prenons les hallucinations. Donc, on est intéressé aux hallucinations, hein? Donc, on demande à la personne de vivre une hallucination. Et puis là, cette personne-là va sur une échelle, on lui demande, OK, de 1 à 7, décris-moi l'intensité de ton hallucination. Donc, elle va nous mettre 6, par exemple. Donc, elle a vécu une expérience assez riche. Puis ensuite, on va aller voir, OK, ben, quelle est la variation dans l'activité cérébrale qui correspond au chiffre 6 qu'elle vient de mettre. Hein? Donc, puis là, l'idée étant que la personne qui va mettre 1, ben, va avoir une variation cérébrale qui correspond à 1. Une personne qui rapporte 2 va avoir une variation cérébrale qui correspond à 2. Donc, au niveau d'intensité, là, je parle. Donc, ensuite, la personne qui va mettre 3, ben, l'intensité cérébrale va correspondre à 3. Ça, c'est une covariation. Donc, deux choses qui varient. L'une d'entre elles étant l'activité cérébrale, l'autre étant un construit psychologique, une mesure qu'on prend sur, dans ce cas-ci, l'hallucination. Donc, ça, c'est les fameux corrélats cérébraux, c'est-à-dire des corrélations entre un construit et ce qui se passe dans le cerveau. Donc, juste pour être sûr, c'est quand on parle de variation, c'est que là, on regarde une onde, on a comme l'activité cérébrale, puis là, comme il y a un pic soudainement, puis ce pic-là, ben, on l'associe à comme la valeur qui a été donnée par la personne. C'est ça. Exactement. Donc, on a une mesure cérébrale, ça peut être une onde, une activité qu'on mesure, ça peut être un neurone, si on s'intéresse à ce neurone-là en particulier, ça peut être, peu importe. En autant que ce soit au niveau cérébral, donc, par exemple, je fais beaucoup d'électroencéphalographie, donc je vais mesurer les variations dans les, on appelle ça les potentiels, donc au niveau du scalp. Donc, je vais mesurer des variations dans le potentiel électrique. Donc, le potentiel que je mesure change en fonction de l'hallucination. Puis là, je vois, est-ce que le changement est, puis là, c'est le concept clé, est systématiquement associé au construit que je mesure. Donc, la corrélation, c'est ce qu'elle nous dit, c'est qu'il y a des variations systématique entre ce que je mesure au niveau psychologique et ce que je mesure au niveau cérébral. Donc, moi, c'est des potentiels, donc des variations du potentiel. Donc là, à ce moment-là, on dit, OK, ben, j'ai un corrélat. Et puis là, on peut faire toutes sortes, il y a toutes sortes de stratégies qui existent au point de vue méthodologique puis analytique maintenant pour étudier les fameux corrélats. Puis là, même avec les avancées des dernières années, avec l'intelligence artificielle, etc., évidemment, on a des outils extraordinaires pour chercher ces fameux corrélats-là, même quand ils sont petits. Donc, on peut vraiment déboursailler énormément d'activités pour vraiment trouver le focus précis. Puis ensuite, on trouve cette corrélation-là entre les variations d'activité cérébrale et les variations dans le construit psychologique qu'on mesure. Quand on parle d'hypnose, c'est quel genre de corrélat qu'on trouve? C'est quoi la particularité puis l'importance de ces corrélats-là? Donc, ça, c'est une super bonne question pour deux raisons. La première, je vais vraiment répondre à ta question en deuxième partie, là, puis tu me dis si je commence à trop partir, mais le premier point, c'est, ça c'est des cliniciens qui me posent la question, pourquoi est-ce qu'on ferait de la neuroscience de l'hypnose? Pourquoi est-ce, ici, qu'est-ce que peut-être une meilleure façon de le mettre, qu'est-ce que les neurosciences peuvent apporter dans nos connaissances de l'hypnose? Hein, de quelle façon? Puis, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on ferait, mais une des choses que les neurosciences amènent certainement, c'est cette capacité-là à circonscrire l'objet de recherche. Et puis à essayer de comprendre la mécanique qui est sous-jacente. Donc, si votre mécanicien vous explique, tu sais, comment votre voiture fonctionne et qu'est-ce qui a cassé entre la pédale sur laquelle vous pesez et la roue qui tourne, ben là, vous allez mieux comprendre ce qu'il doit faire, quel type de réparation. Vous allez vous dire, ah ouais, mais tu sais, dans ce cas-là, change pas mes galipers. Je ne sais pas c'est quoi un galiper, mais change-le pas parce que je sais que ça ne fait pas partie de ce que tu viens de me décrire, tu sais, dans la mécanique des choses. Donc, mécanique étant ici, on parle de cause à effet. Donc, quelle est la cause, la réaction à la cause, la deuxième réaction, troisième réaction. Donc, on cherche à comprendre avec les études présentement en neuroimagerie, on cherche à construire des modèles théoriques, mécanistiques, qui expliquent l'émergence de certains phénomènes psychologiques. Donc, là, ici, ce qu'on va faire dans l'hypnose, c'est essayer de comprendre, OK, une fois que j'ai dit tantôt, il y a toutes sortes de composantes, toutes sortes de variables, toutes sortes de facteurs qui viennent influencer l'émergence des phénomènes hypnotiques. Bon, on va chercher à comprendre quelle est la mécanique de ces variables-là, comment le cerveau produit les phénomènes hypnotiques, allant de la cause à l'effet, sachant qu'il y a toutes sortes de facteurs. Donc là, ça devient super compliqué parce que tantôt, j'ai dit, ben, il y a des variabilités interindividuelles, il y a la transe hypnotique, il y a des suggestions, il y a du contenu, etc. Donc, la chose peut-être que les neurosciences vont amener ici, c'est cette idée-là qu'on va chercher à reconstruire le fil des événements. Puis là, ce que je veux dire, c'est, disons qu'on a parlé de variabilité dans la population, donc certaines personnes vont être prédisposées à mieux répondre à l'hypnose. Pourquoi? Donc, est-ce qu'il y a un fonctionnement cérébral particulier à ces gens-là? Est-ce qu'il y a des patrons? Est-ce qu'ils ont une anatomie qui est différente? Est-ce qu'ils ont une facilité à produire, à transférer certains types d'informations? Donc, puis là, ça semble super technique. Pour le mettre plus concret, est-ce qu'une personne qui a des très grandes compétences attentionnelles va avoir plus de facilité à être absorbé dans son expérience, puis ensuite à produire un phénomène hypnotique. Donc, au premier, je dirais, dans notre fil, dans la reconstruction de l'expérience, donc, on va avoir ça, les prédispositions. Ensuite, on va avoir les fameuses transes, donc l'expérience subjective. Donc, quels sont les patrons, quelles sont les variations dans l'activité cérébrale qui vont émerger, puis quel est encore une fois le schéma causal, là, t'sais, donc on va observer des variations dans tel circuit, donc le circuit attentionnel, par exemple, un circuit associé. Il n'y a pas de circuit attentionnel, mais un des circuits lié à l'attention. Puis ça va faire en sorte que la personne, ou ça va refléter la capacité de la personne à être absorbée. Donc le fait qu'elle est absorbée, ça va amener toutes sortes de processus mentaux qui vont inhiber tout ce qui est associé à la perception de l'environnement. Hein? Parce que si je suis absorbé dans mon expérience, ben l'activité, mes sens, ils continuent de fonctionner. Là, je veux dire, mes oreilles continuent d'entendre, je continue de toucher mes vêtements sur ma peau, le gustatif aussi. Donc, cela étant dit, le fait que je suis absorbé, ben l'attention va venir inhiber toutes ces inputs sensoriels-là, toutes ces entrées sensorielles-là. Hein? Donc, ça va être une des mécaniques qu'on va observer, donc qu'on va étudier. Puis ensuite, lorsqu'on parle des suggestions, ben là, comment l'individu peut partir d'une suggestion, l'entendre? Donc là, évidemment, il y a le contenu auditif. Comment ça se transforme en contenu, disons, visuel, parce que la personne, elle utilise une stratégie visuelle. Donc, on lui demande d'imaginer telle chose. Donc, comment ça se transfère au niveau de l'imaginaire? Puis ensuite, comment ça va se transférer au niveau de certains processus? Surtout dans l'hypnose, on fait appel à des processus, comme j'ai dit tantôt, de régulation, parce qu'on cherche à réguler, à contrôler l'expérience qu'on vit, ou bien en augmentant certains aspects de nos expériences, ou plus souvent dans le domaine clinique, à diminuer certains aspects de l'expérience. Donc, c'est vraiment des processus de régulation. Donc, on va rechercher à reconstruire cette mécanique-là. Donc, je ne sais pas si ça répond bien à ta question, mais c'est vraiment essayer de. Tu vois comment j'essaie de déconstruire, dans le fond, les fameux corrélats. Après, il y a toutes sortes de régions cérébrales qui sont associées à ça, dont on pourrait parler, mais je pense que la discussion viendrait très, très technique, là, rapidement. Ouais, c'est ça. C'est juste pour être sûr, c'est que essentiellement comme les inputs, les entrées sensorielles prennent un chemin particulier à travers comme la construction du cerveau puis ses circuits. Puis là, on essaye de avec l'imagerie de comme de trouver c'est quoi comme ces chemins-là que ça peut prendre. Puis ben il y a aussi le fait que plusieurs personnes différentes ont des manières de comme gérer l'information différemment. Fait que les circuits sont variables. Exact. C'est ça, exactement. Pourquoi est-ce qu'on retrouve la variabilité? Pourquoi une personne vit une expérience subjective différente? Une bonne question, là. Et puis là, les auditeurs peuvent se poser cette question-là. Puis on n'a pas de réponse. Comment ça se fait qu'une personne qui, dans la vie de tous les jours, vit, se sent en contrôle des gestes qu'elle fait? La plupart des gens, là, c'est presque pathologique, là, de se sentir pas en contrôle de ses gestes et de ses actions volontaires, là. Mais comment ça se fait que sous hypnose, pour certains individus, je peux éliminer cet aspect-là, puis leur faire produire des actions qui leur apparaissent involontaires? Qu'est-ce qui se passe au niveau cérébral? Ben là, encore une fois, l'idée, c'est je vais chercher à reconstruire la mécanique. Quels sont les aspects au niveau cérébral qui expliquent que cette partie-là de leur expérience de tous les jours, donc je prends mon verre d'eau, je sens que je suis en contrôle dans la capacité de saisir mon verre d'eau, de le contrôler, de le reposer. Mais comment ça se fait que sous hypnose, une personne peut sentir une perte de contrôle? Donc, comment ça se fait que cette dimension-là de l'expérience est absente? Donc là, est-ce qu'on parle d'inhibition, suppression, élimination? Quelles sont les régions associées à ce sentiment d'agentivité-là? On appelle ça l'agentivité, là, le fait de se sentir en contrôle de nos actions. Ah. Ben, on a toutes sortes d'hypothèses qui sont explorés par différents groupes de recherche, parce qu'évidemment, c'est un phénomène particulier, là. Tu sais, c'est vraiment, généralement, les distorsions d'agentivité, comme on les appelle, sont liées à la pathologie. Donc là, l'hypnose n'est pas une pathologie, là. Comment ça se fait qu'on peut reproduire ces phénomènes-là? Ah, c'est intéressant ça. Fait qu'on peut comme ça pourrait être une manière d'élucider comme le fonctionnement de certaines pathologies à travers comme les recherches sur l'hypnose. Intéressant. Exact. Exact. En fait, même, je peux même rajouter, puis c'est intéressant que tu prends cette route-là. L'hypnose, parfois, par certains groupes, va même être utilisée comme un modèle pour faire de la recherche sur certaines pathologies. Donc, parce qu'on arrive à produire des phénomènes psychologiques qui, autrement, sont extrêmement difficiles à reproduire, à l'extérieur dans le laboratoire. Donc, on va prendre l'hypnose, on va prendre une personne, puis lui faire produire un phénomène pour essayer de mieux comprendre. OK, est-ce que la façon dont la personne produit ce phénomène-là est similaire à ce qu'on retrouve lorsque je prends des patients qui présentent une certaine psychopathologie qui a ces caractéristiques-là, là? Donc, on va parler d'hypnose instrumentale dans un contexte scientifique. Ouais, c'est intéressant ça, parce que tu sais, souvent qu'on parle de comme certaines pathologies, que ce soit comme Les sociopathes, psychopathes, pour prendre des exemples extrêmes, là, t'sais, les gens narcissiques, souvent c'est qu'on. Apparemment, là, ce qui est remarqué, c'est que comme les parties du cerveau qui sont associées, qui ont des corrélats neuronales, l'empathie, admettons, sont comme moins sollicitées ou comme sont plus petits, genre, moins de matière blanche ou peu importe ce que c'est. Pas un expert ici. Mais donc, avec l'hypnose, on pourrait comme rendre ces parties-là moins actives et voir comme s'il y a vraiment un lien avec ça, donc un modèle. Exact, exactement. C'est un modèle. C'est une façon d'étudier ça. Un exemple concret que je peux donner, il existe des troubles neurocognitifs où les patients atteignent certaines lésions, donc suite à un accident vasculaire cérébral ou un choc à la tête, ou même parfois, malheureusement, ça va être associé à la démence ou, tu sais, bon. De maladie, une personne peut oublier le nom de certains ou perdre certains concepts. Hein, par exemple, perdre le concept de verre ou perdre le concept d'ordinateur. Ou, t'sais, puis, c'est vrai que c'est assez spectaculaire. Il y a des phénomènes. Mais avec l'hypnose, certains chercheurs ont essayé. Il y a un nom assez technique qui s'appelle l'agnosie. Donc, et puis, certains chercheurs ont utilisé l'hypnose pour reproduire ce phénomène-là. Parce qu'il y a certains individus qui, effectivement, je peux utiliser une suggestion pour faire en sorte qu'ils ont l'air de perdre le concept, ce concept-là. Donc, il y a, pour les gens qui, comme moi, ont un certain âge plus avancé, se souviendront de, son nom m'échappe, un comédien bien connu qui joue un policier à la télé. Bref, c'est pas grave. Il était à Tout le monde en parle. Mesmer était présent et Mesmer lui a fait oublier le chiffre 7. Donc, il me semble que c'est ça. Donc, et puis incapable, donc on lui demande de compter jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Donc, incapable de se souvenir du concept du chiffre 7. Donc, on peut utiliser ça comme un modèle d'étude. De ce trouble neurocognitif-là. Après, la question est de savoir est-ce que c'est un modèle valide ou pas. C'est des grandes questions. C'est des questions que la science va résoudre et puis tente de résoudre. Parce que certainement, il y a des différences. Mais il y a peut-être aussi des ressemblances qui nous permettent d'identifier certaines caractéristiques qui sont fondamentales pour mieux comprendre et le cerveau et le trouble en tant que tel. J'aimerais amorcer la fin de l'entrevue en posant une question sur les implications que ça a pour la conscience, en fait. Puis, tu l'as mentionné, je ne savais pas c'était quoi le terme en français, l'agentivité, parce que je le vois souvent en anglais comme agency. Souvent, quand on parle, mettons, tu sais, je m'intéresse aux jeux vidéo, fait que c'est comme player agency, petite affaire de même. Je suis content de savoir que ça existe en français. L'agentivité, en tant que processus mental, c'est une partie de ce qui nous donne notre sens de soi. Puis, c'est quoi les implications de l'hypnose, puis de l'agentivité, puis de la conscience. Est-ce que c'est... Donc, Oh, vas-y. ben, ça, c'est des grandes questions fondamentales. Hein? On peut dire, dans les grandes questions scientifiques non résolues, il y a évidemment la question de savoir ce qu'est la conscience, comment ça se fait que. Puis là, il y a des gens peut-être qui vont trouver que c'est un réductionnisme accru que je fais, mais comment ça se fait qu'une machine faite de chair et d'os comme nous, a cette expérience extrêmement riche. Hein, pour plusieurs grands penseurs, ben, ils ont adopté une position qu'on appelle le dualisme. Hein, c'est-à-dire, d'une part, il y a la matière, d'autre côté, il y a l'esprit. Donc, et puis après, il y a toutes sortes de questions à savoir ben, quel type d'interaction se produit et puis comment on démontre ça. Hein, comment on démontre les interactions corps-esprit. Donc, c'est des sujets philosophiques passionnants, mais très difficiles. Où la plupart des chercheurs comme moi ont des positions qu'on dit matérialistes ou physiques ou monistes, physiques. Puis là, il y a des philosophes certainement qui sont plus à même que moi pour expliquer exactement ce en quoi ça consiste. Mais l'idée étant ici que, effectivement, on réduit la conscience à une activité cérébrale, probablement en lien, je pense qu'aujourd'hui les évidences sont assez claires, probablement en lien avec le corps. Donc, c'est pas un cerveau qui est complètement détaché de son corps. Au contraire, c'est un cerveau qui a appris à fonctionner dans un corps spécifique, qui a une forme spécifique. Et puis après, je suis super biaisé, là, il y a des chercheurs qui sont en désaccord, mais aussi un cerveau qui a appris à reconnaître un type d'environnement particulier. Donc, évidemment, ça va jouer dans la façon dont notre expérience consciente est construite. Donc, notre cerveau a pour rôle, encore une fois, des gros astérisques pour moi, de produire un modèle de la réalité. Donc, c'est le rôle du cerveau de produire des modèles internes, donc qui sont des modèles basés sur les informations. Et puis, le cerveau cherche constamment à mettre à jour ces modèles-là de façon à optimiser le comportement et puis l'utilisation de nos ressources, etc. Je sais que c'est hyper réductionniste, par contre, et puis il y a toutes sortes de nuances et de bémols à mettre un peu partout dans ce que j'ai dit, mais c'est un peu l'idée Donc, pour revenir à ta question sur la conscience, puis le rôle dans l'agentivité, puis comment l'hypnose peut répondre à ces questions-là, c'est sûr que l'hypnose, comme la méditation, comme les drogues psychédéliques, comme les cas j'ai juste le mot anglais, de mort imminente, comme même le coma pratiquement végétatif, sont des expériences de conscience particulières, où les gens vivent une expérience subjective altérée. Donc, ils sont intéressants pour cette raison-là, parce qu'il s'agit de phénomènes où il y a une distorsion de l'expérience conscience qu'on vit tous les jours. Donc, évidemment, comme chercheur, quand il y a une particularité comme ça, bien, on essaye à déterminer, OK, ben qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a cette distorsion-là, là? Puis là, on revient effectivement à l'agentivité, puis c'est le point que je faisais tantôt. C'est très particulier qu'une personne produise des comportements en réponse à mes suggestions, puis c'est pas moi qui la contrôle, cette personne-là, là. Il y a pas de... La personne, c'est volontairement, a produit, a répond à ma suggestion, mais elle, l'expérience qu'elle en fait, c'est que ça se produit involontairement. Et puis, c'est certains individus, c'est pas tous les individus sous hypnose, c'est super important de le mentionner. Deux personnes peuvent répondre très efficacement à l'hypnose, mais les raisons pour lesquelles ces personnes-là répondent peuvent être différentes. Donc, il y a des gens qui font l'expérience de cette. On appelle ça la dissociation, donc l'automaticité. D'autres le font pas et pourtant, les deux peuvent bien répondre à mes suggestions. Donc, si on cherche à bâtir une théorie, un modèle de la conscience qui est valide, bien certainement, ce modèle-là doit expliquer les phénomènes qu'on observe dans l'hypnose. Donc, ce modèle-là doit éventuellement être capable d'expliquer les phénomènes qu'on voit sous hypnose. Pourquoi une personne sous hypnose, par exemple, fait une expérience altérée du temps. Ben, un modèle valide de la conscience doit être en mesure de répondre à cette question-là. De la même façon qu'il doit pouvoir répondre j'ai parlé des drogues psychédéliques ou j'ai parlé de la méditation. Donc, parce que c'est des expériences conscientes. Puis, généralement, on parle beaucoup c'est un terme super technique, mais de phénoménologie, donc l'expérience de la subjectivité. Donc, c'est des expériences phénoménologiques particulières. Une théorie de la conscience doit être capable d'expliquer. Ça me fait juste penser à quelque chose que j'ai lu dans le papier que tu m'as envoyé, où on parle d'agentivité, et que, c'est une question, j'ai amorcé la fin de l'entrevue, mais là je pose une question qu'il fallait continuer un peu, parce que je trouve ça trop intéressant pour pas en parler, c'est que, il y a comme il y a des circuits qui sont inhibés, donc qui fonctionnent comme à moins haut régime, ces circuits-là sont associés à l'agentivité, j'imagine. Toi, tu me corrigeras si, comme je fais des erreurs, j'ai lu le papier en diagonale un peu, là, c'est assez technique. Ce qui arrive, c'est que quand Moton donne la suggestion On de... peut le dire, c'est vraiment une étude que je t'ai envoyée, puis c'est très détaillé, c'est très technique, là. C'est vraiment C'est un c'est pas papier. un papier de ouais, c'est ça. C'est pas de la vulgarisation scientifique que je t'ai envoyée, c'est vraiment une étude en bonne et due forme avec, c'est ça, fait pour les pairs, malheureusement, là. C'est ça. C'est bien correct. J'ai trouvé des affaires intéressantes là-dedans comme néophyte. C'est l'idée que quand tu donnes la suggestion à quelqu'un que son bras, s'il est fait en fer, c'est une barre de fer maintenant, c'est qu'il y a un circuit qui est comme inhibé. Puis il y a l'idée que potentiellement cette suggestion-là n'est plus géré comme de l'information qui provient de l'extérieur, mais est géré comme de l'information qui provient de l'intérieur à cause de l'inhibition de certains circuits. Ça, je trouve ça fascinant. Oui, c'est. Mais au point de vue, là, tu parles vraiment de la chantivité, puis je pense que c'est vraiment là où tu veux en venir. Donc, comment ça se fait que. C'est ça ta question. Donc, où se trouve l'élément manquant, en quelque sorte, là, le fait qu'il. Ben c'est en fait que il y a un circuit genre qui ben, là, je dis un circuit, il y a comme une partie du cerveau qui dit comme, ah, ça c'est de l'information que moi je produis, ça c'est de l'information qui vient de l'extérieur, un input. Puis là, soudainement, quand il y a une altération, ben c'est comme, ah, ben les inputs, c'est pas un input, c'est un élément que moi j'ai produit, donc je le traite comme, ben oui, effectivement, mon bras c'est une barre de fer. Ah oui, écoute, ça me prendrait une autre heure. Mais, Explique ça en donc, 2 minutes. d'une part, une minute sur la gentilité, puis une autre sur l'expérience de la barre de fer. Donc, sur la gentilité, comme l'hypnose, est un phénomène super complexe, au sens où, oui, il existe des circuits cérébraux associés à la gentilité. Là, on a vraiment fait, il y a plus d'avancées scientifiques, on a une idée, c'est pas réglé, vous en faites pas, là, il y a pas un scientifique, j'espère, qui va m'écrire pour me dire, hey, non, non. Mais on a des bonnes hypothèses. Mais néanmoins, comme l'hypnose, l'expérience de la gentilité repose sur des composantes dans le temps. Donc, il y a des phénomènes d'anticipation qui ont lieu dans la gentilité. Donc, je m'attends à certaines choses. Puis, donc, on appelle ça les aspects prospectifs de la gentilité, donc où les gens dans mon domaine parlent beaucoup de prédictions. Donc, je m'attends à vivre certaines expériences quand je suis un agent actif. Puis, il y a les phénomènes rétrospectifs, donc le retour sur ce que j'ai. Donc, je m'attends à ce que quand je vais prendre mon verre, j'ai un type d'expérience, donc le sentiment de mon verre d'eau que je tiens dans ma main. Et puis, j'ai un retour d'expérience qui correspond à mes attentes. Puis, pour mon cerveau, lui, il fait le calcul que, ah ben, il y a une belle correspondance ici, je dois être l'auteur de cette action-là, donc je suis volontaire. Maintenant, je vulgarise à outrance, là, mais c'est un peu ça le modèle actuellement conçu. Donc, dans la gentilité, tout ça pour dire que c'est complexe et on ne sait pas à quelle partie l'hypnose va venir agir. Alors, on pense que c'est dans la rétrospection, mais il y a des phénomènes d'anticipation aussi dans l'hypnose qui pourraient avoir un effet. Maintenant, pour ce qui est de la barre de fer, on n'a pas de réponse, on ne sait pas trop quel est le lien entre le fait que je peux utiliser un contenu imaginaire et puis que mon cerveau est capable de transformer ça en phénomène de régulation. Donc, c'est-à-dire que là, tu as raison, je vais venir inhiber tous les muscles, dans le fond, les circuits musculo-squelettiques. Donc, je vais venir inhiber pour faire en sorte que l'expérience que je vais faire, c'est une perte de contrôle, mais en plus, l'incapacité de vraiment plier mon bras. Donc, et puis, là, si en plus, j'utilise un imaginaire où mon bras est vraiment une barre de fer et je le vois comme une barre de fer, on ne sait pas vraiment quel est le lien entre le fait que mon cerveau produit cette expérience-là et transforme ça en mécanisme de régulation dont je parlais tantôt, là. Wow. Écoute, c'est super intéressant. On pourrait passer une autre heure là-dessus. C'est pas mal tout le temps qu'on a. Merci de t'être prêté à l'expérience, Mathieu Landry. C'était super intéressant. Ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir. Si les gens ont des questions, écoute, CSM est libre de mettre mon adresse courriel. Ça me fait plaisir de répondre aux questions. S'il y a des gens qui sont intéressés aussi à l'hypnose d'un point de vue clinique, je les invite à aller sur le site de la Société québécoise d'hypnose, donc sqh.info, où sont répertoriés les professionnels de la santé qui utilisent l'hypnose dans un cadre clinique. J'encourage fortement les gens qui veulent utiliser l'hypnose dans un cadre d'une thérapie de vraiment aller voir le site et puis de trouver une personne qui est un professionnel de la santé d'abord et avant tout. Excellent, on va mettre tout ça dans le post Facebook qui va accompagner l'émission. Merci encore. Ben, ça fait plaisir, Gabriel.